Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par quelques éléments de préambule. D'abord, remercier Mathilde et Emilien pour leur invitation. Je suis d'autant plus honoré que vraiment je vous remercie pour ces dialogues en tant que public de ces dialogues où je me régale à venir écouter parfois en présence, mais souvent à distance, etc. Mais je modère tout de suite mes remerciements, parce que justement, vu que j'ai le respect pour l'initiative de ces dialogues, ma réaction quand ils m'ont fait l'honneur de m'inviter, ça a été de dire « bah non, je peux pas venir, j'ai aucune légitimité pour parler de ces sujets-là ». Et c'est une illégitimité que j'assume pleinement. Je suis pas du tout spécialiste de technologie. La DITP n'est pas en charge de la transformation technologique de l'État, que ce soit sur le numérique, puisqu'on a une direction interministérielle du numérique qui est en charge de cette stratégie nationale pour l'État du numérique, et que les grandes questions très macro de rôle de l'État en tant qu'organisateur du progrès technique, du changement technologique pour le bien-être de la société, il y a des pensées aujourd'hui sur le quantique, sur la stratégie d'IA en tant que producteur de GPU, etc. Faire émerger des licornes, des super licornes, je sais pas la preuve, je n'ai pas l'intitulé, des grosses start-up, etc. Mais ce n'est pas piloté chez nous, c'est dans d'autres instances, etc. Et donc, je ne vais pas être en miroir de l'intervention de Juliane du tout. Ce dont on a convenu, c'est que je vous présente la DITP, puisqu'on a une action en matière d'innovation. On l'a dit avant que le séminaire commence, on est dans le mois de l'innovation, on a un service innovation, on a une vision et des méthodes pour accompagner l'innovation, mais nous, on a une approche non technique. Et donc, je vais vous présenter un petit peu la DITP, et ensuite, dans un deuxième temps, vraiment plus Café du Commerce, parce que je vais essayer de tracer quelques éléments phase de liaison et de déliaison qu'il y a pu y avoir entre les politiques de transformation publique, de réforme de l'État et les questions essentiellement numériques, mais aussi technologiques. Voilà grosso modo l'objet de ma présentation. Alors, qu'est-ce que c'est la DITP ? C'est la Direction interministérielle de la transformation publique. C'est l'épigone de différentes vagues d'ancêtres, que ce soit le secrétariat général de la modernisation de l'action publique. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire. Philippe Bezès l'a fait bien mieux que moi sur cette politique de réforme de l'État. Avant, il y avait la DGME, etc. Il se trouve que dans les 20 dernières années, il y a eu... Et là... Si on considère que la réforme de l'État, c'est l'application bien souvent de méthodes managériales au secteur public, alors on peut revenir à la question des technologies, puisque en soi, le management et les méthodes managériales sont une technique. Ce sont une technique non matérielle, voilà, mais ça reste une approche, une conception, une forme de technologie qu'on va appliquer au secteur public. Et il se trouve qu'elle a été très impactée par des évolutions institutionnelles. C'est-à-dire que depuis les réformes constitutionnelles du début des années 2000, il y a eu une présidentialisation de la Ve République qui a complètement impacté la réforme de l'État, puisque c'est pour ça qu'elle est très difficile à lire, cette politique-là, parce qu'on change de nom et d'orientation à chaque changement de dirigeants de l'exécutif. C'est ce qui s'est passé à partir de 2007, quand Nicolas Sarkozy a été élu sur un programme national, Travailler plus pour gagner plus, dont il y avait une déclinaison publique et privée. La déclinaison publique, c'était le programme de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, avec l'idée d'un équilibrage entre la moitié des économies qu'on va faire par le non-remplacement. J'adapte un peu mon intervention aux obsessions d'Emilien. on va mieux payer les fonctionnaires, la moitié des économies, et l'autre moitié, on va l'affecter à la réduction des déficits, et donc... de la dette publique. Et la couche technique pour mettre en œuvre ce projet qui déclinait la volonté présidentielle, c'était la révision générale des politiques publiques, qui était un cadre, une méthode d'intervention avec 8 axes de questions qui devaient mouliner l'ensemble des ministères et des grandes administrations pour identifier les liens, les options, les modes d'organisation, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas, est-ce qu'on peut faire autrement, etc., avec une autre méthode qui était le lean management venu de l'industrie automobile japonaise, etc. Pourquoi je vous fais ce lien entre le programme général et les méthodes techniques ? C'est que la politique de réforme de l'État à ce moment-là, c'est encore plus fortement politisé que par le passé. Et un symptôme et un indice très matériel, ça a été pour la première fois le président de la République a participé au comité interministériel de modernisation des politiques publiques. Donc, elle était placée sous son autorité, ce qui n'est pas du tout anodin. Ça vient dire l'attention et l'importance qui est accordée à cette action de transformation. Et puis, il y a beaucoup de fonctionnaires parmi vous, et quand on est dans la machinerie administrative, avoir bénéficié du soutien, de l'autorité, de la vigilance, du sommet de l'exécutif, n'est pas du tout anodin dans la capacité d'action, d'enrôlement et d'engagement des autres administrations, ce qui est un point extrêmement important dans une culture 5e République, et une culture, là pour le coup, des institutions françaises, où traditionnellement, l'interministérialité est assez faible. Et donc là, ça vient, à la faveur de la présidentialisation et de l'exécutivisation, processus qui ne concerne pas que la France, qui est un vrai phénomène qui a concerné l'ensemble des démocraties, pas simplement européennes, mais occidentales, de renforcement des pouvoirs des exécutifs et au sein des exécutifs, renforcement de l'autorité voulue ou obtenue des sommets de l'exécutif, que ce soit le président ou le premier ministre. Désolé, je suis un petit écart, mais c'est quand même assez important. Ce qui a pour effet que, donc, du coup, ça monte en puissance et potentiellement en influence. La face obscure de tout ça, c'est que, du coup, en se politisant et en se centralisant, du coup, elles sont beaucoup plus soumises aux aléas politiques. Et effectivement, quand François Hollande... Alors là, je suis vraiment... Je parle pas au nom de la DITP. Là, c'est un peu un jeu sur le fil, je suis pas chercheur, mais je viens pas là vous délivrer le propos de la DITP, mais je vais pas être révérencieux non plus, mais quand François Hollande se fait élire en 2012, il se fait élire sur un programme alternatif, le président normal, à celui de Nicolas Sarkozy, et ça va se traduire justement par l'idée qu'il ne peut pas garder la RGPP, qui est devenue un des marqueurs de la présidence du président précédent, et donc ça va se jouer par la création d'un secrétariat général à la modernisation de l'action publique, qui va symboliquement être sorti de Bercy pour être attaché au service du premier ministre, et qui va changer de nom et de méthode. Et c'est ce qui s'est passé en 2017, le SGMAP a été supprimé pour laisser place à la direction interministérielle de la transformation publique. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 et qu'est-ce qu'il y a, quels sont les... Si on devait essayer de... Alors, c'est pas ma prétention, c'est juste purement rhétorique. Vu que l'ouvrage de Philippe Bezet s'arrête en 2008, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de l'action de la DITP depuis 2017 ? Je crois qu'il y a... Alors, là, je suis vraiment... C'est vraiment entre deux eaux, mon propos. Je peux pas être l'analyste objectif de la direction au sein de laquelle je travaille. Mais il y a une inflexion assez forte. C'est qu'on a gardé la très forte proximité au chef de l'exécutif. Et là, je parle plus aux agents publics qu'aux observateurs extérieurs, mais en tout cas, c'est extrêmement important. Il faut savoir que, administrativement, les textes qui régissent la DITP a une double dimension. Notre directeur, Thierry Lambert, est aussi délégué interministériel à la transformation publique. Donc c'est une délégation et c'est une direction d'administration centrale, ce qui, dans la tuyauterie administrative, n'est pas du tout anodin. En tant que délégué, le délégué interministériel rapporte directement au Premier ministre, et en tant que direction d'administration centrale, nous appartenons à un ministère qui est dans l'ordre protocolaire des ministères, pas parmi les premiers, mais qui est un ministère souvent, enfin en tout cas, c'est presque une constante depuis 2017, un ministère de plein exercice avec la DGAFP et la DINUM. La DIES, je sais pas, vous faites, ça a bougé. Bon, et donc, c'est extrêmement important, ça vient, ce double positionnement raccroche avec l'histoire de présidentialisation, exécutivisation, la DITP en tant que, comme le dit l'OCDE, centre de gouvernement, c'est-à-dire fait partie des institutions qui ont vocation à appuyer le chef de l'exécutif dans la traduction administrative de sa politique pour la nation. Et c'est pas du tout anodin. D'ailleurs, juste, j'ouvre une parenthèse, mais j'espère que je ne vous perds pas. On est une direction qui est très plastique. Il y a quelque chose à retenir chez nous, c'est que vu qu'on est au service, et c'est ça le grand changement qu'il y a eu dans les 10 dernières années, j'y reviens dans une minute, on s'adapte aux évolutions des institutions. Depuis les élections européennes et la situation politique que l'on connaît, le pouvoir s'est en partie transféré au pouvoir législatif, le président a moins d'autorité sur le Premier ministre, et nous, ça nous a amené à recomposer, j'y reviendrai dans une seconde, l'élément identitaire de la DITP depuis 2017, ça a été la création d'une « delivery unit ». Et ça parle à tout le monde ? Non, ça parle pas, donc ça, merci de ne pas savoir, ça me donne une utilité sociale. La Delivery Unit, en fait, c'est une, entre guillemets, invention de Tony Blair en 2001. En fait, c'est pas véritablement une invention. On s'inspire beaucoup en 2001 au Royaume-Uni de ce qui s'est fait aux États-Unis, notamment à la ville de New York au début des années 90, les démarches Comstat, Citystat, qui sont des dispositifs. Bon, je vais pas rentrer sur Comstat, Citystat, je vais vous l'expliquer sur la Delivery Unit. Michael Barber, qui a été un des conseillers de Tony Blair, qui était en charge notamment des politiques d'éducation, a obtenu des résultats très positifs à la fin des années 90. Et en 2001, Tony Blair cherche un nouvel élan pour son gouvernement. Et il va instaurer une nouvelle méthode qui s'appelle Delivery Unit. Des technologies, que je vais vous expliquer tout de suite, qui est indissociable d'un changement social et technique, c'est l'irruption des chaînes d'information continue. Et donc, il y a un changement social qui est le suivant. Il faut en permanence pouvoir donner à la société des informations pour montrer comment le gouvernement, le chef de l'exécutif, réalise ses promesses, met en œuvre les actions qu'il a promis. Et donc, vu qu'il y a une demande permanente de feedback, de redevabilité, de données, ben, il faut pouvoir nourrir cette demande sociale de plus en plus forte. Et donc, il y a trois ingrédients dans la Delivery Unit. Premier élément, identification de priorités, qui est, alors là, pour ceux qui font de la théorie des organisations, etc., qui est un des éléments identitaires du secteur public. La difficulté à prioriser vis-à-vis du privé, parce que, justement, dès que vous dites « je vais prioriser sur telle politique ou sur telle partie de la population », il y a tout le reste qui vient vous dire « vous m'oubliez », etc. Et donc, j'ai 74 priorités. Bon, là, l'idée, c'est de définir un petit set de priorités. Il se trouve que là, Tony Blair, avec son gouvernement, en identifie 17 parmi les 134 objectifs du gouvernement. Ils se réunissent en séminaire, etc. Deuxième étape, une fois qu'on a défini les priorités, on va quantifier, matérialiser, concrétiser ces priorités en objectifs de résultats. Et là arrive, l'idée c'est de rendre tangible, c'est pas de dire on va améliorer la situation de la France, et selon les orientations politiques des uns et des autres, ça va se traduire en PIB, en cohésion sociale, avec des chiffres qui viennent tenter d'objectiver. Et une fois qu'on a défini ces indicateurs prioritaires, il y a une équipe, les membres de la Delivery Unit, c'est 40 personnes qui sont installées dans le cabinet office à Downing Street, qui vont suivre en permanence la réalisation et la mise en œuvre de ses priorités. Donc on a un système de reporting ad hoc, un système de pilotage de la performance non budgétaire. L'objectif n'est pas d'apprécier le rapport efficacité, coût, l'efficience des moyens, c'est est-ce que ce que veut le sommet de l'exécutif est réalisé sur le terrain. D'ailleurs, ça descend jusqu'au local government, local authorities, au Royaume-Uni, mais c'est un État qui est complètement différent. Nous, hein, c'est des opérateurs de l'État, les collectivités là-bas. Et donc, une équipe qui vient suivre en permanence. Donc, on a un système d'information qui produit de la donnée en flux continu. Et il y a deux éléments qui deviennent... Il y a quatre points et... Ouais. Ces deux éléments, c'est les moteurs. Premier élément, que font ces 40 ministériels, members of the delivery unit, qui suivent chacun un ou deux objectifs et qui jouent en contre avec les ministères et les administrations locales? Ils ne jouent pas contre, en fait. C'est, on leur donne un défi, on suit la réalisation des résultats, mais ils ont une fonction de gestion de projet. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que les résultats soient atteints dans tel ou tel délai, et on va, en discutant avec les ministères et les administrations en charge de l'exécution, identifier les obstacles. Et dès qu'on identifie un obstacle, l'objectif, c'est de mettre les ressources pour les contourner. Est-ce que c'est un obstacle juridique? Et donc, vu qu'on est en boucle courte, on va peut-être pouvoir changer la loi. Est-ce que c'est un obstacle financier, un manque de moyens, un manque d'informations, etc. Et l'idée, c'est de voir si on est sur le chemin de l'atteinte de la cible, voir s'il y a un écart de l'analyse des écarts classiques, mais l'idée, c'est d'apporter la ressource pour contourner l'obstacle à la réalisation du projet. Ça va, je suis clair. Et dernier point, et qui est le plus important, c'est un système là de feedback. C'est-à-dire que Tony Blair et les stocks organisent chaque semaine des stock takes meetings. C'est-à-dire qu'il prend, vous connaissez l'agenda d'un Premier ministre, une demi-journée par semaine, ce ne sera pas pour tout le temps, mais ça va durer au moins 2 ans, où en fait, il passe en revue chaque semaine un certain nombre d'objectifs, 2 ou 3, et là, le ministre... alors, il n'y a pas de cabinet au Royaume-Uni, son permanent secrétaire viennent et rapportent sur les résultats atteints et l'analyse des écarts. Et évidemment, l'attention portée par le Premier ministre, par le sommet de l'exécutif, au suivi des résultats, a l'enjeu et le mythe, la mythologie de la delivery unit, c'est que l'implication des plus hautes autorités dans le suivi de l'exécution et le souci de la mise en œuvre des priorités gouvernementales lève tous les obstacles et aligne l'ensemble des acteurs. Ça va, je suis clair on a un système d'information qui nourrit tout ça. Il se trouve que ça a produit des résultats. Alors, il y a toujours des débats, etc. Mais un élément tangible, c'est que c'est devenu le principal, la principale réforme exportée par le Royaume-Uni à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que Michael Barber, sur la base des effets obtenus par cette delivery unit, est devenu consultant et a exporté, et sachant qu'il y a eu un buzz sur il y a eu une forme de mode à la delivrologie, et il y a une étude de l'Institute for Government au Royaume-Uni en 2014 qui comptait près de 74 exportations et applications de la delivery unit dans d'autres pays. Donc, je referme cette mise en contexte, mais qui n'est pas du tout anodine. Dans l'histoire récente de la réforme de l'État, il y a eu plusieurs initiatives. Il y a eu des initiatives très modestes au SGMAP de lancement d'une première initiative. Là, 2017, tournant, et surtout à partir de 2019, on installe une delivery unit qui s'est inscrite dans les institutions de la Ve République, au moins temporairement, mais à date, elle y est. C'est-à-dire que, et notamment les Gilets jaunes ont été un catalyseur, quand il y a la crise des Gilets jaunes, le président de la République, je résume à ma sauce, constate que les Français ne voient pas à ses yeux les réformes qui sont en œuvre, et demande à son gouvernement de formuler des objets de la vie quotidienne, c'est-à-dire de traduire les réformes qui sont en cours de manière qui soit sensible, compréhensible, palpable par l'ensemble des Français, d'avoir une approche beaucoup plus claire et concrète de ce que l'on veut obtenir. Et là, du coup, on se met à créer une delivery unit à la DITP. On a une équipe de ministériels qui suit l'exécution de ces objets de la vie quotidienne. Un exemple qui va vous parler, et c'est ça l'objet, c'est de dire ben, il ne faut pas simplement lutter pour l'égalité des chances à l'école, on va réduire dans les zones d'éducation prioritaire par deux le nombre d'élèves par classe d'ici à 3 ans. Et là, on a une date, un niveau d'ambition, et là, on va suivre la réalisation de ce niveau d'ambition. Donc, on a, à la DITP, on a une équipe de 10 personnes qui suit un portefeuille de politiques prioritaires du gouvernement, et on a une couche technologique. On a une équipe qui s'appelle Pilote, parce qu'on a développé un système d'information ad hoc de production d'indicateurs de suivi de la mise en œuvre de ces priorités gouvernement. Je fais extrêmement long, c'est une catastrophe. Je vous prie de m'en excuser. Et bien évidemment, alors là, vous avez peut-être entendu dans les médias en 2019, quand toute cette mécanique se met en place de manière opérationnelle, alors que le dispositif n'est pas du tout caché, etc., il y a une forme de théâtralisation médiatique qui parle de l'application qu'Emmanuel Macron utilise pour noter ses ministres, etc. Bon, on a un système d'information, et effectivement, on a un tropisme d'être à la page technologiquement, donc ce système d'information, on a créé une app qui permet effectivement de regarder politique par politique publique, priorité par priorité, les indicateurs, mais il n'y a rien d'occulte là-dedans, etc. Et d'ailleurs, il y a même une partie qui est grand public, puisqu'on extrait une sélection des indicateurs les plus parlants et qui préoccupent les Français à l'époque dans un baromètre de l'action publique. Et maintenant, et là, je suis en train, en vous parlant de ce qu'est la DITP, je suis déjà en train de vous parler de sa structuration. Là, on a un service, on a 4 services à la DITP, dont un service s'appelle la Delivery Unit, ou l'équipe de suivi des politiques prioritaires de gouvernement. Elle est un peu plus, ce service est un peu plus égal que les autres. C'est-à-dire, vu que c'est l'identité même de la DITP d'être en soi une Delivery Unit, les autres leviers d'intervention, les autres services de la DITP sont au service des priorités du gouvernement. On a 3 autres services à la DITP, j'espère que je suis clair, on peut peut-être, déjà si vous avez des questions, n'hésitez pas, les 3 autres services, c'est l'agence du conseil interne de l'État, qui suit l'affaire McKinsey, hein. Alors là je ne vais pas vous faire toutes les vagues, mais depuis une trentaine d'années en France, on a, et puis même on pourrait remonter jusqu'au comité d'enquête sur les coûts et le rendement du service public, qui était la première forme de cabinet de conseil interne de l'État, on a des ingénieurs en organisation, pour reprendre les vieux mots tayloriens, qui viennent accompagner les administrations dans la mise en œuvre de problèmes et la résolution de problèmes d'organisation. Et selon les périodes de l'histoire, soit on va prendre des gens qui sont de l'extérieur, venus du privé avec l'idée qu'on va déverser l'excellence managériale de l'entreprise dans le secteur public pour le confirmer, c'est une tension permanente, ou est-ce qu'au contraire, on va prendre des fonctionnaires pour justement accompagner avec des méthodes ad hoc et en fonction d'une culture et de principes de régulation qui sont ad hoc. L'époque de la DGME, c'est l'ouverture des cabinets de conseil. SGMAP, c'est on les ressort et on va prendre des expertises internes. Ben, nous, on a aussi vécu ça. Et aujourd'hui, avec l'agence du conseil interne, on ne recourt plus ou beaucoup moins à des cabinets de conseil extérieurs et on recrute des gens qui ont des compétences managériales. Et un des enjeux extrêmement forts chez nous, c'est de les acclimater aux principes de régulation publique, aux valeurs publiques et aux objectifs propres aux politiques publiques. Donc on a une agence de conseil interne de l'État, c'est 60 personnes, oui. C'est 60 personnes, c'est essentiellement des jeunes consultants, hein, c'est les modèles de recrutement classiques des cabinets de conseil, on en a 2. Alors en majorité, c'est des personnes qui ont eu une première expérience dans les cabinets de conseil et donc ont acquis les méthodologies et qui viennent rejoindre les équipes de l'agence de conseil interne. L'objectif ensuite, c'est de les projeter dans le secteur public et qu'ils ne retournent pas dans le privé. Il y a une autre partie, et ça c'est un segment symboliquement important pour la DITP, c'est qu'on prend aussi des fonctionnaires. Des fonctionnaires, on a des sorties d'IRA, etc. Avec l'idée de dire, on prend des fonctionnaires jeunes qui vont apprendre les méthodes du conseil, mais en ayant une culture du secteur public, et une fois qu'ils repartiront en mobilité au bout de 2-3 ans, ils iront, dans une logique de communauté de pratique, diffuser nos méthodes en étendant. Enfin, j'ai pas de réponse définitive à ça, mais dans un équilibre entre l'exportation des méthodes managériales et l'acclimatation, la prise en compte des spécificités en soi de l'action publique et de ses méthodes de régulation interne. Ça va, j'ai répondu à votre question ? Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. De cabinet de... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est notre premier service. Ce service, il ne va déclencher, on ne va les mobiliser en appui à des administrations essentiellement, ou mais presque exclusivement, en fonction de est-ce que la demande d'accompagnement qui nous est faite contribue à la réalisation d'une des politiques prioritaires du gouvernement. Donc on est, toutes nos actions sont au service de la réalisation de ces priorités gouvernementales. On a un troisième service, qui est le service expérience usager, alors là, qui est pareil, hein, un épigone de ce qui s'était lancé dès la fin des années 70 sur l'amélioration de la qualité de service, qui a connu une inflexion forte avec le renouveau du service public, c'est comment on travaille la relation avec les usagers et comment on essaye de standardiser, d'homogénéiser les délais de réponse par courrier, par mail, au téléphone, etc., entre les administrations. Ça va se traduire chez nous par un programme, hein, qui est le renouveau de... Avant, il y avait la charte Marianne, maintenant, on a le programme Service Public Plus. L'idée, c'est qu'on vient accompagner les administrations dans leur politique d'accueil, d'accompagnement et de réponse, et essayer aussi d'homogénéiser les pratiques pour que l'image des services publics, la satisfaction et la confiance des usagers dans les services publics, ça m'est... Je rentre pas trop dans les détails, mais on a plein d'outils. Il y a la gestion du programme, on a également des outils de mesure, on mesure la satisfaction, la confiance, on a des baromètres de la confiance. Et là, je fais un premier... j'avance un petit peu sur le deuxième thème. Bien évidemment, sur chacun de nos sujets, même si on n'a pas une fonction technique, on ne méconnaît pas les évolutions technologiques. Par exemple, au sein du service expérience usager, on a un programme qui s'appelle « Je donne mon avis avec Service Public Plus », qui est une innovation pour le secteur public français et à l'échelle des administrations publiques de l'OCDE assez notable, c'est-à-dire qu'on a un dispositif qui permet à des usagers qui sont connectés, qui savent écrire et qui savent utiliser un clavier, qui peuvent raconter leur expérience vis-à-vis des services publics sur cette plateforme. On a récupéré plus de 150 000 expériences aujourd'hui et on utilise beaucoup l'IA dans cet outil en fonction, alors là, de notre régulation, le RIA, le RGPD, etc. Mais l'idée, c'est de dire, des usagers qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit peuvent faire du speech-to-text, donc peuvent dicter leur message. On analyse aussi à grande échelle, grâce à l'IA, ce qui se dit dans ces expériences, qui nous permet de repérer des lignes de force, des problèmes qui méritent de solliciter les administrations pour réagir. Et dernier point, puisqu'il y a beaucoup de corpus écrits dans ces 150 000 expériences, et que les agents, les administrations doivent répondre à ces expériences, on utilise de l'IA générative pour qu'on adresse à partir des données de la DILA, qui présente l'ensemble des règles sur les grands services publics, sur les grandes démarches administratives. On a nourri notre IA, on a dressé notre IA à partir de notre corpus propre pour proposer aux agents publics des brouillon de réponses adaptées aux questions. Et bien évidemment, la manière dont on conduit l'innovation technique, elle se fait en fonction de nos régulations. C'est-à-dire, on est conforme au RIA, c'est-à-dire c'est l'agent qui regarde si la réponse proposée est conforme à ce qu'il veut dire, il peut modifier, et quand on présente la réponse à l'usager, il sait quelle est la part du texte qu'il a en réponse qui a été générée par l'IA et quelle est la part qui a été modifiée par l'agent. Je referme cette parenthèse, mais pour vous dire, évidemment, même si on n'est pas à la DINUM, on ne méconnaît pas les innovations technologiques qu'on essaye d'incorporer dans nos actions. Et enfin, et j'arrive à la fin de ma première partie, mais je suis peut-être beaucoup plus trop long, on a un service innovation et participation citoyenne. Alors lui, qui est l'héritier direct du SGMAP. En 2012, le SGMAP veut se démarquer. Je caricature un petit peu, mais c'est a priori peu discuté de ce qui s'est passé dans la séquence réformatrice précédente, et ça va être l'irruption et une véritable innovation dans le champ de la, dans l'histoire de la réforme de l'État, qui est conforme hein, à un mouvement qu'on retrouve en Europe, au Danemark, avec la création du Mind Lab en 2008. C'est l'irruption des méthodes design dans les méthodes de réforme de l'État. Et donc là, on a vraiment qui vont être très liées à la notion d'innovation. C'est la partie non technique de ce qu'on retrouve à la Silicon Valley, le fait qu'on ait des open space, qu'on ait des chaises à roulettes, qu'on ait des post-it, des marqueurs, et qu'on discute à la cool. Je suis très réducteur, et c'est pas du tout leur propos, hein, mais c'est pour faire image de mon propos, c'est l'irruption des méthodes design dans l'accompagnement à la génération d'idées nouvelles dans les administrations sur quelles pourraient être nos prestations, quelle pourrait être notre organisation, etc. Et donc, c'est une forme d'innovation non technologique, et ce sont des méthodes douces. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au sein du service innovation? On a une équipe de designers. Alors, du coup, c'est des méthodes... j'espère que je n'ai pas été dénigrant, parce qu'elles ont des, elles sont très transformantes. C'est, on va, il y a le principe d'aller observer les usages, hein, c'est ça le design. Donc, dès qu'on a une commande, on va aller regarder sur le terrain comment se comportent les utilisateurs, etc. Et sur la base des retours et des observations très concrètes qu'on va faire, on va faire des prototypes de solutions, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, qu'on va tester. Donc, vous avez toute une forme de famille, plus avec des membres plus ou moins proches dans la famille, qui rejouent des méthodes design pure et dure, d'une logique d'agilité, d'itération régulière, etc. Ça va, je suis clair quand je vous dis ça? Donc, des méthodes design, des méthodes de facilitation. Alors, la facilitation, c'est tout simplement l'art d'organiser l'expression et la réflexion dans des arènes collectives. Ce qui peut paraître, alors des fois ça peut paraître la méthode niveau zéro, c'est l'icebreaker en début de réunion, etc. Mais en fait, alors, donc ça génère parfois beaucoup d'ironie, etc. Mais dans des entités de service, comme les administrations, etc., on a beaucoup de réunions. Et dans les cultures administratives, et c'est très variable selon les ministères, mais qui sont parfois très stratifiées, la prise de parole va souvent être fonction du rang hiérarchique. Moi, j'ai vu dans mon passé qui commence à être grand, des réunions où d'abord ce sont les chefs qui parlent, et en fonction du regard qui va être donné par les chefs, l'autorisation de prendre la parole, on va prendre la parole, etc. Et donc, il y a peut-être une déperdition, il y a peut-être de bonnes idées qui ne sont pas exprimées, etc. Et ces méthodes-là visent à lutter contre l'intimidation, ceux qui pourraient parler mais qui ne parlent pas, et structurer la distribution de la parole pour pouvoir récupérer toutes les idées qui sont potentiellement là mais non exprimées. Et donc, ce n'est pas du tout éloigné de la question de l'innovation, puisque c'est le travail d'idéation, comment on fait émerger des idées. Mais c'est des méthodes assez douces, qui sont extrêmement fécondes, et que là, pareil, on a une équipe de facilitateurs qui accompagne des grands projets. Et donc, toujours, la condition de l'accès à cette ressource qui est offerte par l'ADTP, c'est est-ce que ça contribue à une politique prioritaire de gouvernement. Je ne vais pas vous énumérer tout, je ne vais pas vous développer toutes les méthodes, mais on fait aussi du coaching, du co-développement. On a aussi un point qui est né très sommairement durant le SGMAP, mais qui est aujourd'hui structuré en tant qu'équipe. On a des sciences, une équipe de sciences comportementales, et un fait très nouveau qui est propre à la DITP au sein du service innovation, on a un centre interministériel de la participation citoyenne. Des experts, là pareil, toujours autour de cette méthode douce, comment on anime un débat, comment on sélectionne les participants, comment on équilibre les temps de parole. On a des spécialistes de démocratie participative qui organise et aide à l'accompagnement de méthodes type convention citoyenne, etc., etc. Ce que vous pouvez retenir en synthèse de ce service innovation non technique, c'est qu'en fait, il y a plein d'activités de nature différente. On entretient aussi un réseau de laboratoires d'innovation publique dans les territoires, etc., c'est qu'on a une il a une fonction d'incubateur des méthodes nouvelles, non technologiques, et ça c'est un levier d'action qui est assez peu observé par les chercheurs qui s'intéressent à la réforme de l'État, et qui à mon avis mériterait de fournir un travail plus conséquent. C'est l'objectif chez nous, c'est au sein du service innovation, c'est diffuser ces méthodes-là par capillarité. On a une action très horizontale de formation, on a un campus de la transformation publique dans ce service innovation, et on anime des communautés de pratiques, des communautés de facilitateurs, etc. Selon cette logique très par capillarité, qui consiste à dire on peut former des gens dans des ministères, dans des administrations qui sont demandeuses, donc on offre des formations, mais en contrepartie de l'incapacitation du transfert de compétences, les acteurs s'engagent à venir apporter de la ressource, faire de la formation, etc., ou déployer ces méthodes et de former des acteurs sur ces métiers-là dans leur propre ministère, donc sans contrainte, sans incitation forte, etc., on essaye de développer ces méthodes-là, et c'est un mode d'intervention, à mon avis, assez récent. Donc, vous voyez, là, je vous ai présenté les quatre services de la DITP. Je voudrais juste, maintenant, un peu en rebond, dire deux petits développements sur les propos de Gillian, sur comment l'État s'approprie l'innovation. Bon, l'État, la question de l'innovation au sein de l'État, c'est pas une question récente, c'est une problématique qui est absolument permanente. L'État, c'est stable, par définition, presque étymologiquement, il est toujours confronté à des évolutions de la société qu'il faut soit provoquer, c'est les travaux de prospective, les grandes heures du le commissariat au plan qui pense la modernisation en 46, ou les suivre. Et sur les questions non technologiques, la question de l'innovation elle a été de longue date présente. Par exemple, sur la question managériale, Patrick Fridançon a bien montré qu'en France, en 1880, la première organisation importatrice du taylorisme sur le territoire français, c'est pas une entreprise, c'est l'armée de terre, c'est les usines d'artillerie, etc. Et dès la fin du 19e siècle, mais ça se propage énormément dans l'entre-deux-guerres, la question des méthodes d'organisation, et je ne parle même pas du rapport de Fayol à la Poste, elle est présente dans le secteur public français. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sur la question des méthodes d'organisation, et là je me retourne encore vers le commissariat au plan et ses épigones, ben, on est tellement préoccupé en 1949 de l'archaïsme méthodologique des entreprises françaises que ça devient un souci pour la compétitivité nationale de former les entrepreneurs aux méthodes de gestion. Donc c'est le commissariat au plan qui finance c'est un peu tarte à la crème, mais c'est quand même important, entre 1949 et 1953, et qui va créer, c'est Gaston Berger, la prospective, etc., les IAE, il y a une politique publique de formation à la gestion des entrepreneurs privé. Il se trouve qu'il y a un retournement dans les années 70 et la figure de la modernité, ça devient l'entreprise. Mais j'arrive à mon point. Nous, on est toujours en recherche d'innovation et d'être à la pointe managériale dans le secteur public, avec l'attention que je vous exprimais tout à l'heure. La problématique de fond derrière la question des innovations managériales, c'est la question de savoir si il s'agit de conformer l'administration au modèle entrepreneurial, le modèle de l'organisation, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à regarder les politiques publiques et les administrations comme des organisations, donc là, la logique cybernétique, des entités avec des intrants, des extrants, et comment on aligne au maximum les processus en interne, ou alors avoir une conception ad hoc, indigène du management, autour de, est-ce qu'on a des méthodes managériales, mais qui sont propres au secteur public. Et ces problématiques-là, elles sont permanentes dans l'histoire de l'État. On l'a en 46 avec la commission, la création du comité d'enquête sur les coûts et le rendement dans le secteur public, qui est sous l'autorité d'un inspecteur général des finances, Gabriel Ardant. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais je m'arrête bientôt. Se pose la question, on crée une boîte de conseil pour améliorer la productivité des administrations, lutter contre les mauvaises implémentations, les erreurs opérationnelles. Se pose la question, est-ce qu'on prend des consultants du privé ou est-ce qu'on prend des jeunes fonctionnaires? Et là, ils disent non, on ne prend pas des gens du privé, on fait d'une certaine manière une agence du conseil interne de l'État en 1946. La même question se pose en 1989. Et là, je fais écho directement aux propos. Quand Michel Rocard lance la circulaire sur le renouveau du service public et que c'est Bernard Pêcheur à la DGAFP qui est en charge de la mettre en œuvre, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vient d'y avoir Margaret Thatcher, Ronald Reagan, il y a eu un tournant néolibéral avec qui s'est traduit par une conception de l'État en tant que machine productive? Est-ce qu'on fait la même chose? Et là, on dit non, on va adopter certaines méthodes, les centres de responsabilité qui se traduisent en prix de cession interne qui fait que le centre d'histoire de Sciences Po doit payer le stockage des données à Sciences Po lui-même, etc., les projets de service, etc., mais on a aussi des méthodes indigènes qui sont valorisées, le renouveau du dialogue social, le devoir d'évaluation des politiques publiques, la création d'un conseil scientifique de l'évaluation qu'on ne retrouve pas du tout dans la panoplie entrepreneurial de Reagan ou de Thatcher. Et donc, on a cette question qui est permanente, et justement, nous, on l'a aussi aujourd'hui autour de l'agence de conseil interne de l'État, où l'idée, c'est faut acclimater. Vous aviez raison d'avoir un petit regard sceptique en disant, vous prenez quand même des consultants. Oui, mais un élément qui est très identitaire chez nous, c'est qu'on fait dans chaque service bien attention à avoir un équilibre entre les fonctionnaires et les contractuels, qu'ils viennent de l'associatif ou de l'entreprise, parce qu'on est très soucieux du fait qu'il faut acclimater. Qu'en fait, connaître l'administration, c'est une compétence managériale en soi. Et on veille à tout cela. Et d'ailleurs, on n'envoie jamais un jeune consultant de l'agence de conseil interne sans quelqu'un qui est beaucoup plus acclimaté au secteur public. Et ça, c'est une manière de conduire, enfin, ça influe sur la manière de conduire les innovations. Dernier point, et je m'arrête bientôt, ça va, je peux encore ? La question du numérique, parce que, évidemment, quand on parle de transformation de l'État et qui a l'approche non technologique, quand je vais vous parler des liaisons, on va pas être sur le nucléaire, nous, etc. La technologie la plus proche de la question de la réforme de l'État, c'est la technologie numérique. Et là, j'ai envie de dire, depuis très longtemps, il y avait un très beau bouquin de Francis Pavé sur l'illusion informaticienne qui disait dès 1989 une formule qui n'a absolument pas vieilli. Il disait à propos de l'ordinateur, mais on peut l'extrapoler au numérique, c'est la hiérophanie de la modernité. C'est que quand on parle de modernisation, c'est très immatériel, on va moderniser les collectivités, les administrations, etc. Les gens en entendent en permanence parler, puisque ça c'est une activité désormais permanente. Mais à la fin des années 80, quand on donnait un ordinateur à un agent, ça venait incarner. Ah oui, bah là, on est moderne. Et même aujourd'hui, vous vivez dans les administrations, plein de gens qui vous disent « Oh non, vous êtes gentil, vous nous parlez de modernité, etc. » Mais on n'a même pas d'assistant IA sur nos ordinateurs, etc. Donc cette problématisation du fait que le numérique, ça vient concrétiser, réaliser, tangibiliser la modernité, c'est pas des sujets tout à fait anodin. Et c'est tellement pas anodin que si on regarde l'histoire un peu de la réforme de l'État, il y a toute une série de phases où la question de la transformation électronique, numérique, informatique, électronique, numérique, pour le reprendre dans le temps, a été mise sous l'autorité des instances en charge de la réforme de l'État. Ça s'est passé d'ailleurs à l'époque, dès avant la DGME, quand l'Agence pour le développement de l'administration électronique a été raccrochée au moment de la création de la Direction générale de la modernisation de l'État, avec l'idée de dire « bon, bah, il faut que dans la réforme de l'État, on ait un souci des évolutions numériques ». Et là, il y a eu un tournant, nous, 2010. Dans la plupart des pays, avec l'Internet 2.0, dans la plupart des pays, il y a eu la volonté d'abandonner la logique des directions des systèmes d'information pour avoir une stratégie numérique de l'État. 2008-2010, c'est une période assez forte là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, on a un ouvrage qui va faire beaucoup de bruit, Tom O'Reilly, qui écrit « State as Platform », qui commence à théoriser l'État plateforme en disant le numérique doit, l'État doit être complètement pensé en fonction d'un contexte technologique nouveau. Et il va y avoir des mavericks, des penseurs du numérique qui vont être mis en situation de pilotage des stratégies numériques de l'État. On a eu en France Henri Verdier, qui est un normalien, qui a géré plusieurs entreprises informatiques, qui a une activité intellectuelle de conception, de vision, l'âge de la multitude, en 2017, des start-up d'État à l'État plateforme, etc., à qui on va confier la DINSIC en 2012. Mais là, je fais beaucoup d'anachronismes de court terme, mais 2008, Tom O'Reilly dit qu'il faut repenser l'État. On a les premières créations des administrations en charge de la politique digitale, l'équivalent de la DINUM, les Government Digital Services qui sont créés en 2010 dans plein de pays. Et au Royaume-Uni, on a Mike Bracken, qui est un des gourous du numérique public, qui va prendre la tête du Digital Service. On a l'Estonie qui va arriver dans la foulée. On a Aaron Snow qui vient de chez Microsoft, qui va prendre la tête du Canadian Digital Service, etc. Donc on a des acteurs marginaux séquents, qui viennent de la tech, qui prennent, au moment où l'État se dit il faut avoir une stratégie, non pas de système d'information, mais des fonctionnalités numériques de l'État. Je ne sais pas si je le dis bien, mais vous pourrez me questionner et j'éclaircirai, j'approfondirai un peu plus tard. Et là, ça ne devient plus « il faut qu'il y ait de l'informatique et du numérique dans la réforme de l'État ». C'est la réforme de l'État doit être pensée en fonction du fait qu'on a basculé dans une société par plateforme. Il faut suivre ces évolutions sociales. Les usagers ont un désir d'immédiateté, ils ont un désir de personnalisation, ils vivent tous avec des iPhones, etc. Il y a une demande de numérique. Et là, retour d'une vague extrêmement technophile. Là, je ne parle pas qu'en France, dans plein de pays. Et juste pour terminer, parce que je fais très, très sommaire, on a eu cette euphorie-là où pendant un temps, le numérique, ça a été, courant des années 2010, la promesse de faire ce que rêve le management public, faire plus avec moins. Et donc, là, on pouvait avoir un meilleur service public, accessible en permanence, personnalisé, etc., mais sans avoir à entretenir des guichets, etc. Et ça s'est traduit en 2017 avec une formule qui était très sincère, je crois, très euphorique. L'idée, c'est pas de décrier ça, qui a été de dire il faut des services publics 100% dématérialisés, mais, on commence à avoir la conscience qu'il y a des gens pour qui c'est pas simple, 100% accessible. Développement de compétences non technologiques pour accompagner la technologie, des UX designers, des commandos UX à la DINUM, etc., de la médiation numérique, de l'inclusion numérique, etc. Et ça, ça va se prendre en pleine face à la fois les Gilets jaunes et le Covid, et là, et ça va se traduire par un changement de paradigme sur la transformation numérique et la transformation de l'État, qui est plus du tout numérique, et qui est plus du tout euphorique sur le numérique. On est ni technophobe, mais on n'est pas non plus technophile aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au sein du service expérience usager, on a une équipe en charge de l'inclusion et de l'accessibilité qui vise à trouver des solutions et à accompagner la demande citoyenne pour des services non numériques. C'est-à-dire, d'une part, on fait du langage clair, on essaye d'inclure, mais aussi, on travaille en ce moment très fortement sur le plan téléphone, sur l'idée de dire, et c'est d'ailleurs appuyé par le Conseil d'État, hein, avec sa décision de juin 2022, hein, grande rupture. Vous la connaissez, en juin 2022, sur la question des titres de séjour, le Conseil d'État vient dire que quand une démarche administrative est importante dans la vie des gens, et je formule mal, mais j'ai le texte, je peux vous le retrouver tout à l'heure et vous donner le texte exact, mais l'idée, c'est de dire, quand une démarche est importante, l'administration, l'État, ne peut imposer à l'usager comme unique canal d'accès à la réalisation de sa démarche, le numérique. Il faut, à minima, qu'il y ait un canal téléphonique, physique, courrier, alternatif, pour ne pas faire en sorte que le numérique ne soit le seul canal. Et il se trouve que le Covid l'a montré, ce que les gens aiment, c'est le téléphone. Pourquoi ? Mais pour une raison très bête, et qui traverse toutes les classes sociales, tous les niveaux d'éducation, c'est que on n'a pas envie de se déplacer, de prendre du temps, etc., pour aller à un guichet, mais on veut la réassurance d'un accompagnement humain, personnalisé, qui va réduire l'anxiété par rapport à l'erreur ou à répondre à la question que je veux. Donc, le canal téléphonique a explosé, les centres d'appel étaient surchargés, donc là, on a comment on organise les méthodes d'accompagnement pour faire en sorte qu'on réponde à la demande et qu'on décroche suffisamment rapidement pour que les gens puissent se sentir écouter. Et où on en est aujourd'hui ? Ben, il se trouve que là, on est à l'aube d'une nouvelle... Là, je m'arrête là, hein, mais on est à l'aube d'une nouvelle liaison entre numérique et transformation de l'État. On a un nouveau ministre, David Amiel, en charge de la fonction publique et de la réforme de l'État, qui vient de dire qu'une de ses grandes actions, un de ses projets, c'est d'accélérer l'usage de l'intelligence artificielle dans les administrations publiques et de changer la doctrine de déploiement, puisque Etalab, depuis quelques années, travaille à des solutions souveraines, propres, etc. Il se trouve que ça prend du temps de développer ses propres outils, donc là, on change de doctrine et on accepte d'acheter des prestations numériques en matière d'IA à des acteurs de l'écosystème français. L'idée étant d'accélérer là-dessus. Mais je crois qu'il est important de dire qu'aujourd'hui, me semble-t-il, on développe, on a la conscience qu'il faut avancer sur une parcelle technologique et donc numérique de la transformation publique sans être euphorique. On est dans une période où l'image des décideurs de la tech, des modèles entrepreneuriaux de la tech et écornés. Dans les années 2010, rappelez-vous, Facebook, c'est un outil de démocratisation. La révolution en Tunisie, qui est une révolution, Facebook a permis une coordination horizontale, etc. Il y a une idée, le numérique est au service de la démocratie, qui a été largement battu en brèche, on ne va pas développer plus ces dernières années, par ce qui s'est passé dans plein de pays, que ce soit en matière de notation sociale ou d'élucubration d'un producteur automobile numérique, mais qui a eu un rôle avec la réforme de l'État, mais très ambivalent, etc. Et donc, je crois vraiment qu'on est dans... Et puis on doit gérer les effets d'une dématérialisation qui est toujours demandée par 80% de la population, mais qui a des effets absolument délétères sur une autre partie de la population et qu'on travaille, et c'est un élément fort de la transformation publique à accompagner avec les France Services, les politiques justement d'inclusion numérique, de médiation numérique, etc. Donc on n'a pas... je ne crois pas qu'on soit... aujourd'hui dans la croyance que le numérique va faire du bien automatiquement, et on est très sensible justement au RIA, au RGPD, aux règles d'avancement modéré et par étapes pour que le numérique soit conforme à nos règles et qu'on ne soit pas conforme à ce que veulent les décideurs de la tech. Mais voilà, je m'arrête là.